بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أسوع نكيسي بافي ترو لونغ إن شاء الله تعالى نكيوا 3 questions qu'on a l'habitude de faire. Donc, à citer ces questions qu'on nous posait, donc à citer les réponses nettes, donc à essayer d'expliquer ça à Tibrin pour que la vie de Tibrin plus claire. Et donc, question 7 là, nous voilà. Ça, l'islam qui a dit en les Jésus. Pour nous poser la question, ta. Nous avons posé parce que nous voyons que nous ne pouvons pas adorer Jésus. Nous ne pouvons pas adorer. Donc ça l'islam qui a dit en l'air finalement. Est-ce l'islam qui a critiqué parce que c'est pour ça que nous ne pouvons pas adorer? Ou alors ça l'islam qui a dit en l'air Jésus? Faut que nous savent. Réponse là nous dit dans l'islam, Jésus c'est un de ces meilleurs prophètes là à la voie sur la terre. Et contre tout prophète, il pas mérité nous adorer. Et contre tout prophète, il pas mérité nous adorer. Et donc Jésus c'est yon dit ce meilleur prophète là à avoir vrai à si la terre. Allah il a dit nous dans Coran. Mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Verset à nous away. Messia fils Maryam là il c'est un messager seulement. Certes, il y a des prophètes, il y a des messagers qui passaient avant lui. Ça, Allah qui a montré nous ici. Il y a des messagers qui passaient avant lui. Pourquoi il a dit nous ça à présent? À présent, il a dit nous, dans le passage là, il a dit nous, Jésus, c'est un messager seulement. Et tout de suite après ça, il a dit nous, il y a des messagers qui passaient avant lui. Il faut que nous méditions, il faut que nous fassions lien entre ces deux paroles là. Allah, il a montré nous qui ça? Il y a plusieurs prophètes. Il n'y a plusieurs messagers qui viennent avant Jésus. Est-ce ni yon qui dit nous, Jésus, fils bon Dieu? Nous commandons tous ces mouns de la Bible. Les mouns de la Bible, catholiques, adventistes, évangélistes. Est-ce ni un seul prophète qui dit nous, Jésus, c'est fils bon Dieu? Ou alors, est-ce nous enseigne un seul prophète qui dit nous, faut que nous adorer? Est-ce nous un seul qui dit ça? Faut que nous adorer Jésus. Et donc, Jésus, c'est un prophète. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit nous aussi. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله أكبر. Ces anges-là, يودي مريم, يودي ماري. Allah qui a annoncé aux belles nouvelles là. Allah qui a annoncé aux belles nouvelles là, dit en parole qu'Avin dit. C'est-à-dire en parole qui Kavin dit Allah. Il a annoncé en belle nouvelle. Ça qui belle nouvelle là, c'est en parole qui Kavin dit Allah. Non parole là, c'est Jésus. C'est Messia, Jésus, fils Mariam là. Et donc Jésus, c'est parole Allah. Est-ce que ça le dit que Jésus c'est Allah, Allah c'est Jésus? Non, c'est pas ça que ça le dit. Nous expliquer ça. C'est parce que Jésus, il naît et puis parole Allah. Le Allah dit kun, soit, et il fut. Et Jésus fait. Alors Allah crie Jésus. Kalimatullah. Parole Allah. Parce que Jésus n'est qu'on ça. Et puis parole ta là. وجيها في الدنيا والآخرة. Il est renommé en prestige ici-bas. Et aussi dans l'au-delà. Après la mort. Et donc Jésus ici-bas est en prestige. C'est mon langue qui a parlé dit. Il a dit en pile bien l'œil. Il est en prestige ici-bas. Et dans l'au-delà aussi. Wamin el mukarrabin. Et il a fait partie de ces gens qui sont rapprochés d'Allah. Et donc, il s'est rapproché. Il s'est un monde qui est proche d'Allah. Alors, est-ce que nous pouvons dire que dans l'islam, ces musulmans qui ont dévalorisé Jésus? Non, nous ne pouvons pas dire ça. Parce que nous voyons clairement que Jésus, il a fait partie de ces meilleurs créatifs Allah. Il a fait partie de ces meilleurs prophètes-là. Jésus n'y a aucun en islam. Mais par contre, nous pas qu'à dépasser limite-là. Mais il faut que nous méditions, il faut que nous posions comme nous en question. Nous avons dit, Jésus, c'est un messager. Mais ça y est. Un messager, concrètement. C'est un monde à la vraie. À la vraie, pour nous transmettre un message. C'est ça un messager. Allah est vrai pour lui transmettre un message. Nous pouvons dire aussi c'est un envoyé. C'est un envoyé qui la passe. Allah vrai. Nous avons dit envoyé de Dieu en français. Hein? C'est mon là que bon Dieu vrai. Ça nous voit dans la Bible. Dans la Bible, évangile de Jean. Évangile Jean, chapitre 6, verset 38. Évangile Jean, chapitre 6, verset 38. C'est qu'a dit nous. Et qu'a cité parole Jésus, que Jésus a dit, passe-moi pas descendre du ciel là pour m'en faire volonté moins. M'en pas descendre du ciel là pour m'en faire volonté moins. Mais pour m'en faire volonté, ta là qui vrille moins. Ah! Adam verset, c'est une idée belle bail. Premier bail là, c'est qu'il a affirmé qu'il s'est envoyé. Il est vrai. Qui est-ce qui est vrai? Bon Dieu. Allah, c'est à qui vrai. Et donc, Adam verset, la Bible a montré que Jésus s'est envoyé. C'est un messager. Il est vrai pour une mission. Et aussi, à dans verset ça, nous allons comprendre. Nous allons comprendre Jésus. Il pas mérité nous adorer. Pouti. Parce qu'il pas qu'à faire ça, il n'a pas qu'à faire volonté, il a. Mais il a fait volonté à ta qui vrille. Mais il a fait volonté à ta qui vrille. Et ça c'est important même. Si pas qu'à faire ça, il est. C'est que c'est pas lui qui bon Dieu. Vous ne pouvez pas dire nous Jésus, c'est bon Dieu. Puisque Jésus ici a fait la différence. Il a dit, on m'a pas vini. M'a pas descendre du ciel là pour m'en faire volonté moins. Mais m'en descendre pour m'en faire volonté ta là qui vrille moins. Et donc il fait différence là entre lui et ta là qui vrille. Ni envoyé à. Et ni ta là qui a vrille envoyé à. Vous ne pouvez pas dire nous ces mêmes mouns là. Vous ne pouvez pas dire nous ces mêmes essences là. Et même ces miracles là, Jésus fait. Nous savons, nous aussi dans l'islam, nous avons dit Jésus, il fait un lot miracle. Il fait un pile miracle. Mais oui, nous pas qu'à nier ça. Mais Jésus, ce n'est pas seul prophète là qui fait miracle. Hein. Il n'y a d'autres prophètes qui font miracle. Tout prophète, il y a une et puis preuve évidente qui a montré qu'il y a la vérité. Et parmi ces preuves-là, il y a des miracles. Et donc, même ces miracles-là, Jésus fait, il fait yo et puis volonté Allah. il pas fait et puis volonté. Parce que verset à 100 verset qui général, il a dit nous, il dit il pas descend du ciel là pour faire volonté, mais il descend du ciel là pour faire volonté ta qui vrai. Ça général. Et donc tout ça il fait et puis volonté ta qui vrai. Et parmi tout ça il fait les miracles là. C'est pour ça dans Coran, l'air là qu'a parlé nous dit ça Jésus fait. Il a cité nous parole Jésus a qui dit wa uhyil mauta bi idnillah. Et m'a qu'a ressusciter ces morts pas volonté Allah. Non pas non m'a qu'a non et m'a qu'a ressusciter ces morts et puis volonté Allah. Et donc c'est et puis volonté Allah m'a qu'a ressusciter toutes ces morts. C'est pas volonté Jésus seulement. Parce que il vient pour y accomplir volonté ta qui vraie. Il vient pour accomplir volonté Allah. Et donc ça faut nous comprendre ça clairement. Et de toute façon, à partir du moment que nous ouais que Jésus s'est envoyé, si nous dit que faut que nous adorer, ça contradictoire, c'est des bagages qui pas aller ensemble. Si on a affirmé et si vous lisez la Bible là, vous êtes obligé d'affirmer Jésus s'est envoyé. Parce qu'il marchait clair et net, noir sur blanc dans la Bible là. À présent, je vais poser la question, est-ce qu'il marchait clair et net, noir sur blanc dans la Bible là, que faut que nous adorions Jésus? Non. Il pas marché. Pas clair et net, pas noir sur blanc, pas ni en l'autre couleur encore. Il pas marché. Et donc, nous ne pouvons pas adorer. Mais même si nous avons réfléchi, même si nous n'avons pas gardé dans la Bible, nous avons réfléchi, est-ce ça logique que nous avons envoyé et que nous avons adoré? C'est là qui envoyé. En général, ça nous a dit que c'est là qui envoyé. Il a obéi, c'est là qui vrai. Et donc, Pucci, nous ka adorer tala qui ka obéi l'autre là au lieu nous adorer tala que c'est lui que tout le monde ka obéi pourquoi nous ka adorer tala qui s'est envoyé c'est pas lui qui a décidé c'est pas lui qui a décidé côté yo ka vrai envoyé il ka obéi il ka dit aller tel côté il ka aller tel côté aller transmettre tel message il ka aller transmettre tel message c'est ça envoyé. Et donc, si Jésus marchait clair et net, noir sur blanc, dans la Bible, là, Jésus s'est envoyé. Pour qui nous a adoré envoyé? Ça, c'est contradictoire. Et Allah, il a montré nous ça dans le Coran. Dans le Coran, là, ça, il a dit nous, mais qu'en ali basharin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal-hukma wal-nubuwa, thumma yakula linnas, thumma yakulu linnas ikunu ibadan li min dunillah. Ça peut pas faire. Ça peut pas faire pour un monde. Allah ka bay livre là. Et puis jugement. Et puis prophétie. Et puis après tout ça, moun ta ka di se moun là, adorer moi. Et après ça moun ta ka di se moun là, faut que zot adorer moi. Et puis Allah. Comment y est? Ça peut pas faire. Allah est à montrer nous. Ça peut pas faire. Allah, c'est Allah qui baille livre là. C'est Allah qui baille jugement. C'est Allah qui baille prophétie là. C'est Allah qui baille tout ça et ni. Et ils savent très bien que c'est Allah qui baille tout ça et ni. Ils savent très bien qu'ils sont impuissants. Ils savent très bien qu'ils sont faibles. Et après, c'est le cas de nous adorer. Mais c'est pour ça que nous avons posé une question claire, nette et précise. Pour tout le monde qui a lu la Bible, nous avons demandé yo. Montrez-nous en passage clair, net et précis, noir sur blanc. Après, on a mis des feuilles qui jaunes. Nous avons dit aussi noir sur jaune. Hein? Ou noir sur gris. Pour nous, on a la Bible qui sortit aussi. Des feuilles gris. Côté nous qu'a trouvé dans la Bible là. Jésus a dit nous, faut que vous adorez moi. noir sur blanc, moi les way. Fok zot adore moi. Côté nous qu'a trouvé. C'est un sujet qui est important comme ça. C'est un sujet qui permet nous nous savons. Ça qui voit qui amène nous au paradis, ça qui voit qui amène nous en enfer. Hein? C'est un sujet qui permet nous préserver comme nous dit différer. Et il permet clairement dans la Bible là. En principe fondamental à dans la religion catholique là. Et il pas marché clairement dans la Bible là, c'est un problème. Ça c'est un gros problème. Donc nous commandons des questions en clair. Si vous pas trouvé réponse là, commencez à réfléchir tibou. Commencez à dire quoi, ah, il y a un problème. Là, ça vrai, il y a un problème. Est-ce que nous le savons côté bon Dieu, côté Jésus, il y a dans la Bible là, manser bon Dieu ou alors faut que vous adorez moi. Noir sur blanc. Et donc conclusion pour question ta, Jésus c'est un monde qui n'y en orange, c'est un monde qui n'y en l'eau, c'est un monde qui n'y en qui très qui valorise en l'eau dans l'islam. Hein? Et c'est pour ça que nous avons dit que tout le monde qui a critiqué Jésus, il a sorti de l'islam. En islam, nous pas ni droit critiquer pièce prophète. Faut que nous croyons tous ces prophètes là la vraie et parmi eux il y a Jésus. Et donc si nous ouais un monde qui a critiqué Jésus, monde qui a sorti de l'islam. Mais par contre, nous pas qu'à adorer. Pour toutes ces raisons que nous ouais auparavant. Donc, à continuer, Inch'Allah Ta'ala. Deuxième question, ou alors du moins, question 8 là. Mais c'est deuxième là, nous avons reçu. Est-ce dans l'islam, Marie, maman, bon Dieu? Ah, question t'a pu choquer des trois mounes. Question t'a pu choquer des trois mounes. Et moi, ça a venu des mounes qui étaient choqués. Les mains posées question t'a, ni des mounes qui ont contacté moi. Hein? Mais comment y est? Comment y est? Et donc, comment y est? Nous avons posé la question. Dans l'islam, est-ce Marie, c'est maman bon Dieu? Réponse là, ah ouais. Non. Si Marie, maman bon Dieu, alors qui moun qui crée Marie? Sa logique. Si Marie, maman bon Dieu, alors qui moun qui crée Marie? Il y a un pile moun en famille, maman, ça pose une question, on va pas avoir une réponse là. Et aussi, Allah pas ni maman, pastige besoin maman, y. Mais Allah pas besoin personne. Et donc ça, nous avons ça à présent. Nous avons regardé Adam Ave Maria, l'Ave Marie, ou alors nous avons crié Je vous salue Marie, nous avons salué Marie, nous avons salué ou Marie. C'est Matthieu. Il matche Sainte Marie, maman bon Dieu. Priez pour nous c'est des pécheurs. Il m'a dit clairement en français, mais en créole. Sainte Marie, maman bon Dieu. Et donc ça, c'est une croyance qui avéré, affirmé, car c'est catholique là. Il y a une croyance là. Ça a fait partie, ça c'est dans ses fondements. C'est chemin là depuis il y a 5 ans, 6 ans. Il y a qu'à apprendre, je vous salue Marie. Mais quand on j'ai route la chapelle là nous t'ai apprendre li obligé ou apprendre pas cher. Ou apprendre li. Je vous salue Marie. Hein? Sainte Marie maman bon Dieu. C'est pour ça nous qu'a poser question. Est-ce ça dans l'islam, Marie, maman, bon Dieu? Non, nous pas ni ça dans l'islam. Si vous dites, moi, Marie, c'est maman, bon Dieu, écoutez-moi aussi, c'est bon Dieu qui crée Marie, parce que si maman, de qui monde qui crée Marie, ou obligé, ou dit, moi, c'est bon Dieu, ou peut dire, moi, c'est diable là. Si maman, de qui monde qui crée Marie, ou dit, moi, c'est bon Dieu. Ok, nous d'accord. À présent, nous avons un problème. Parce si vous dites moi que bon Dieu c'est lui qui crée Marie et que Marie c'est maman bon Dieu, nous n'y des bon Dieu actuellement. Nous n'y des bon Dieu actuellement. Nous n'y en bon Dieu. T'as qui crée Marie et nous n'y en bon Dieu. T'as là que Marie a enfanté. Ça a fait des. Et donc là, ça c'est en religion polythéiste. En religion, religion qui nie plusieurs divinités, pas en seule. Et vous autres savent très bien pour vous autres rentrer en paradis, il faut que vous autres n'y en seule divinité. Il faut que vous autres adorez ta qui crée les autres seulement. Et donc là, nous n'y deux divinités. Après ça, des gens qui ont venu dire, non, c'est pas ça nous les. Non. Ou mal comprendre. Abdelkarim, ou mal comprendre. Nous avons dit, nous avons quitté nous expliquer. Nous avons dit, ok, expliquez-moi. Ça, vous avez dit, moi, en fait, là, nous avons dit, maman, bon Dieu, c'est parce que Jésus, c'est bon Dieu. Et bon Dieu, c'est Jésus. Et donc, nous avons dit, Jésus, nous avons dit, Marie, maman, bon Dieu. Et donc, au final, nous n'y en sommes divinité pas des. Ah, ok. Et donc, moi, je vais poser une question. Là, nous avons dit, Marie, maman, bon Dieu. Est-ce ça le dit que Marie enfantait bon Dieu qui créait? Est-ce ça le dit Marie enfantait bon Dieu qui créait? Vous êtes qu'à crier papa, le père. Est-ce ça le dit Marie enfantait papa? Vous êtes qu'à dire non, c'est pas ça. Marie enfantait fils là, ish là. Il pas enfanté papa. Nous avons dit, ah, et donc, à présent, vous avez retourné, vous avez affirmé, vous avez deux divinités. Pas yon. Vous avez ni papa et vous avez ni Ishla. Vous avez ni deux. Vous avez ni créateur, t'as qui créé Marie, t'as qui créé tout le monde, et vous avez ni Ishla. T'as c'est Marie qui crée, t'as c'est Marie qui enfanté. Vous avez ni deux divinités. C'est pour ça, tout le monde qui a vini, et qui a dit, moi, Marie, c'est maman bon Dieu, m'a dit, bienvenue à dans religion polythéiste là. Si vous dites, moi, ça, vous avez dit, moi, Marie, maman bon Dieu, m'a dit, ou ça, c'est un polythéisme pur. Noir sur blanc. Comment nous avons dit Marie, maman, mon Dieu? Comment nous faire pour nous faire pour allier? Nous avons dit Marie, c'est maman, mon Dieu, et en même temps, nous avons dit en seule divinité. Ça pas possible. Ça pas possible. Et donc, faut avouer que nous avons plusieurs divinités. Et c'est pour ça, nous avons demandé. C'est catholique là. Et là, je vais préciser, je ne vais pas dire c'est chrétien, je vais dire c'est catholique là. Parce que ça, c'est un principe. Hein, quand c'est catholique là, ce n'est pas quand tout c'est chrétien. Ce n'est pas tout qui dit ça. Mais nous avons demandé c'est catholique là. Côté, vous avez trouvé dans la Bible là. Marie, c'est maman, bon Dieu. Côté, vous avez trouvé ça. M'enlève. Noir, enlève blanc. Noir en les blancs, m'enlève. M'enlève chapitre là, numéro verset là, m'enlève page là, m'enlève toutes. Bah, moi, côté, vous avez trouvé dans la Bible là, noir en les blancs, Marie, c'est maman, bon Dieu. Bah, moi, panique. Et deuxième point, c'est que, bon Dieu, il n'y a pas besoin de maman. Est-ce que tu as imaginé ces mamans là? L'un moun kanet et que il y a maman moun ta feb, c'est maman qui ka outi pays di, c'est maman qui ka bay manger, c'est maman qui ka nettoyer parce que maman ta il peut pas nettoyer quand il tout seul. Hein? Il ka sali koy et qui peut pas nettoyer quand il tout seul. Il conseille ka faire grimace, ka ripoyen, ka pleurer et tout ça. Et nous cadre après ça. C'est pour ça nous qu'a dit tout monde qu'a dit nous Marie c'est maman bon Dieu, il a menti en les bon Dieu et qui a menti en les Marie. Parce toute maman qui enfanté, qui n'y a riche, il peut pas dire que Ishta c'est un bon Dieu parce que lui-même il est côté Ishta sorti. Comment il est sorti et que ça il fait après il sorti. Comment y'a maman qui a dit adoré après ça? Comment y'a? Parce que maman, ouais, que Ishla te besoin, maman. Que Ishla peut pas faire rien si maman n'est pas là. Si nous prenons Ishla, nous mettons dans le désert là, et nous quittons comme ça. Sans maman, sans rien, comme ça. Pendant un mois. Est-ce que Ishla va vivre sans maman, sans lait, sans rien? Et donc, si les autres n'y ont divinité qui comme ça, c'est que les autres n'y ont divinité qui faible. Et Allah, c'est tout puissant, il n'y a pas besoin de personne, il n'y a pas besoin de maman. Neuvième question. T'as encore passé vite. Neuvième question. Faut que moi aller chercher. Côté moi, mettez une neuvième question. Neuvième question. Et après ça, c'est moi qui a posé d'autres questions aussi. Hein. Moi qui a quitté les autres réponses. Après quoi, là, à la fin quoi, là, moi qui a posé d'autres questions. Neuvième question. Est-ce ça dans l'islam? Nous qu'a quoi en l'évangile là? Hein? Est-ce ça dans l'islam? Nous qu'a quoi en l'évangile là? Parce qu'après ça, nous qu'a parlé de Jésus. Obligé nous parler de l'évangile là aussi. Réponse là. Un, ça parlait dit un. Fait différence là. On met un H. Un, c'est pas un. Et donc un. Oui. Dans l'islam, l'évangile là, ce livre là, Allah ba Jésus a. Jésus teni livre ta la epi. Mais c'est pas la Bible là. Passe ta la vini plusieurs années après Jésus. Ah, messieurs. Bah, la belle. Bah, la belle, mes amis. Bah, la belle. Allah tabaraka wa ta'ala. Il a dit nous, à dans le Coran, en les Jésus, il a dit nous, Moussad dit qu'on l'imè beina yadehi minet taurati wa ateinahul injil. Jésus est venu pour confirmer, pour appuyer ça qui tenait avant. Ça qui tenait avant Adam Torah. Et donc Jésus a confirmé, a appuyé ça qui n'y a dans Torah. Ça c'est aussi en réplique. On laisse les chrétiens, les yo quitté toutes ces actes d'adoration qui citaient Adam, Torah. Yo ka dit, oh non, ça c'est l'Ancien Testament, nous pas qu'apprendre. Qui moun ki dit ça? Ça sans si j'ai abordé, m'a expliqué, m'a détaillé en français. Inch'Allah, ou ta'ala, nous ke faire en créole aussi. Mais en attendant, si les autres peuvent trouver un site là, Inch'Allah, ou ta'ala, une guidée pour les chrétiens, les autres peuvent trouver en audio spécifique. On laisse si j'étais. D'autres qui trouvent le titre là facilement. Inch'Allah. Et donc Jésus vient pour confirmer, pour appuyer ça qui tenait avant. Ça qui tenait dans Torah. Wa ateinahul injil. Et nous baï évangile là. L'idée si même, moi, c'est qu'à débattre et puis en témoin Jéhovah, il invite moi quand il lit comme ça, nous parler. Et il t'a dit, moi, oui, dans le Coran, vous dites, donc c'est marqué, et nous lui avons fait ça, et nous ci, et nous ça, et donc vous avez plusieurs divinités. Non, on m'a dit, non, c'est pas ça. Non, non, non, non, non, non, non. Parce que ni en l'eau, ni en pile preuve, Adam Coran qui a montré que Allah, c'est une seule divinité. Et divinité zot, c'est une seule divinité. C'est une seule divinité. Mais là, nous avons parlé, même en français, nous dit, nous ni ça, t'as qui respecter, t'as qui en l'air, t'as qui plus haut qui ces autres-là. Nous qu'à vous voyez. Hein? Même en français, en ancien français, ouah, t'as qu'à dire, nous prenons décision, t'as là. Et c'est en seul monde qui a dit ça. Nous dit que nous qu'à faire comme ça. Et c'est en seul monde qui a dit ça. Même actuellement, là, on y a un monde qui n'a pas connaître ou qui a respecté, ou qui a dit, Monsieur le Président, vous avez dit ça. Là, on a les préfets, on a dit, Monsieur le Préfet de la Martinique, vous avez dit ça. Ou par rapport, on a dit, ces amis ou qui l'a, Monsieur, tu as dit ça. Et donc, ça, faut que nous bien comprendre. Mais après ça, et donc, Allah a dit nous que Iba Jésus, Iba Injil, c'est-à-dire évangile là. Fihi hudan, wa nurun, wa musaddikan lima bayna yadayhi min at-Tawrah, wa hudan, wa maw'izatan lil muttaqin. Adam, c'est-à-dire Adam l'Iftar, Adam l'évangile là. Ça, il y a dans l'évangile là. Il y a en guidé, en lumière. Et il a venu pour confirmer ça qui était mis avant, à dans Torah, et en guidé, et en exhortation pour ces mouns-là qui ont la piété. Ah, messieurs, l'Ifta est important. L'Ifta, c'est un livre qui est important même. C'est pour ça que tous ces musulmans, ils ont cru en l'évangile là. S'il y a un musulman qui a rejeté l'Ifta, il a sorti de l'islam. Il t'a sorti de l'islam. C'est pour ça que nous, ces musulmans, nous croyons en tous ces livres-là à la vraie. Nous croyons en toutes. On nous regarde dans la Bible latine. Évangile de Marc. Évangile Marc là. Chapitre 1, verset 14. 14e verset là. Imagine. L'évangile bon Dieu, Jésus est qu'à prêcher. L'évangile bon Dieu, Jésus t'es qu'à prêcher. Et donc, Jésus t'es qu'à prêcher l'évangile bon Dieu. Jésus, il tenait l'évangile là et puis. C'est pour ça que nous avons posé la question. Hein? Côté y passé. Donc, avoir dans l'évangile, dans la Bible, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu. Question, côté évangile, Jésus a passé, côté autres métiers. Réponse, Yopedli. C'est pour ça, à présent, Yopedli dit nous, non, mais l'évangile, c'est pas un livre. L'évangile, ça l'est dit, bonne nouvelle là. Et donc, bonne nouvelle là. Donc, Jésus annonçait bonne nouvelle là. Donc, on disait, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non. Jésus, il tenait un livre et puis. Évangile bon Dieu. Côté y est. Et ni plusieurs textes bibliques qui ont montré ça. Et donc, il ne faut pas nous négliger ça. Faut que nous méditions en les ça, en les l'évangile là. Si vous ne croyez pas l'évangile là, nous avons posé une question aujourd'hui. À côté évangile là, nous, ces musulmans, nous avons dit, nous avons croyé l'évangile là. Mais ce n'est pas la Bible là, on y a actuellement. Parce que la Bible là, on y a actuellement. Rien que les évangiles là, seulement les évangiles là. Nous avons plusieurs problèmes avec ces évangiles là. Pouchi. Qu'on nous dit en français, évangile Matthieu, qui moun qui écrit? Qui moun qui écrit évangile Matthieu? Vous avez dit moi c'est Matthieu, je vais dire au côté au point. Parce que c'est marqué évangile de Matthieu. Je vais dire qui moun qui Matthieu ça. Est-ce que c'est Matthieu qui Matthieu évangile de Matthieu? Ou est-ce que c'est un autre monde qui vient après? Je vais dire, je ne vais pas répondre là, ce n'est pas Matthieu qui Matthieu. Ce n'est pas lui qui m'a tiré comme ça. Non, on vient après. Il est nommé comme ça. Il est bien noir. Ok. Ça, ce n'est pas moi qui a dit ça. Ça, c'est les spécialistes bibliques qui a dit ça. C'est les spécialistes bibliques qui a dit ça. C'est pas qu'à comment alimenter en prête. C'est spécialistes bibliques, c'est eux qui a dit ça. Les historiens et tout ça. Hein? Yo ka di yo, l'évangile là, il pas matché konsan les évangiles Matthieu. Ça c'est un nom qui vient après. OK. Est-ce à dans évangile Matthieu, il y a une preuve qui montre nous que c'est Matthieu qui écrit? Non, il pas ni. Évangile Matthieu dit depuis première lettre là, jusqu' dernière lettre là, troisième personne du singulier. Il. Pas une seule fois, il dit nous, je suis Matthieu, j'écris ces mots. Non. Même là, il a parlé dit Matthieu, même là, il a parlé dit Matthieu, il a parlé à la troisième personne. C'est problématique. Et ça, c'est un problème. Mais il y a d'autres encore. Il y a plusieurs problèmes. Nous avons ça, nous avons abordé, nous avons répété. Et ces évangiles là, yo tout, yo vin après Jésus. Et donc ça pas possible que c'est l'évangile Jésus qui là parce que yo tout yo vin après Jésus. Les 100 ans et qui ça combien l'année après? Sans compter que Bible là, yo prend plusieurs siècles pour mettre koyo d'accord en les textes canoniques là. Ça veut dire pendant plusieurs siècles yo te ka gourmand yo, c'est chrétien. Non, nous ka prend ça. Non, nous ka prend ça. Non, nous ka prend ça. Yo te ka gourmand yo. Pendant plusieurs siècles, jusqu'à yo choisi texte canonique là. Et donc, toute Bible ta, il finit plusieurs siècles après Jésus. Pas dit nous que la Bible là, c'est l'évangile Jésus qui l'a. Pas dit moi ça. Parce qu'il vient bien après Jésus. Et donc, nous avons arrêté là pour aujourd'hui, et nous avons quitté tous ces gens qui ont été apprendre en l'islam, nous avons quitté et médité. Et puis, quand vous savez, si vous avez des trois questions, vous pouvez demander moi, si vous avez un numéro moi. Si vous n'avez pas un numéro moi, vous pouvez trouver très facilement tout le monde qui a le numéro moi peut trouver. Si vous avez des questions, moi, je vais essayer de répondre, Inch'Allah, nous avons demandé à Allah, nous la force là, il aide nous, il préserve nous, il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته